GG, donc rendez-vous vendredi. Voilà. Un débat sur les grèves. Voilà. Ouais, mais on parlera de toutes les grèves. Hein. C'est à l'occasion d'une grève, on en parlera de toutes les autres qui nous font chier. Hein. Ah bah, RATP, la SNCF. Voilà, on va pas parler que celle de. Même les routiers. Oh, les routiers, tu t'emmerdes. Vas-y, toi, faux cul là-bas. Faut les respecter quand même. T'es bien content de les avoir pour avoir à bouffer dans tes grandes surfaces? Ah, ça, c'est le truc que t'aimes bien sortir. Ça fait 5 ans que tu nous rabâches le fait que, ouais, c'est vrai, que les routiers nous apportent de la nourriture dans les supermarchés. Merci. Voilà. Bah oui. C'est le Darmanian K, on aura le plaisir de vous avoir je à sais mes côtés. Pas. Moi, je vais réfléchir. Oui. Hein. Réfléchissez bien. J'ai appelé, j'ai voulu réserver, on m'a dit que c'était complet. Non, non, mais vous pouvez bien quand même. Si je peux avoir. Il y aura toujours de la place, vous connaissez. Si vous dites que vous me connaissez, il y aura toujours de la place. C'est cool, merci, il n'y a pas de problème. Regardez le 6ème sens, l'équipe. Ouais. Merci. Ouais, c'est vrai, on regardera ça. Merci encore de nous avoir suivis demain 21h. Gérard, à vendredi. À vendredi et bisous à Bibi. Voilà, qu'on embrasse très fort. Je t'aime, mon amour. Ah, c'est crade. Oh là là, c'est dégueulasse. Qui a dit ça? Mais c'est toi, c'est un connard, il reconnaît nos voix. Respecte-toi là quand même. Ça fait 7 ans. Et alors, on l'embrasse pas, Bibi, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Moi, je l'emballe, moi. Ta gueule, toi, tu touches pas. T'as pas le droit de toucher à ma propriété privée. Je lui lèche le clit alors. Allez. Bon, ta gueule, toi. Tu lui tournes d'elle ou tu lui pisses dessus pour éviter qu'on t'aille pas ou pas, non? Moi, je fais tout autour. Ah, et comment il va ton chat là? Ton chat, ça va être, il crotte plus dans le lit? Non, il a jamais crotté dans mon lit, mon chat. Enfin, elle nous a dit Sandy qu'il crottait dans mais le lit. Mais non, comment il s'appelle? Comment tu l'as appelé? Moumoun. Moumoun. Moumoun, je t'aime et Sandy, je t'aime très fort. Moumoun écoute la radio, Moumoun écoute la radio. Moi, j'ai plus intelligent que Moumoun a un petit Walkman. Mon amour de ma vie, je t'adore. Moumoun, il voudrait se barrer, oui. Voilà, bisous. Bisous à tout de suite, ma chérie. Moumoun, il est vraiment habité chez Foucault. Moumoun, le chat avec ses pattes accrochées aussi au radiateur. Je sais que des fois il appelle la police sur le portable. Ah, le pauvre Moumoun, il doit souffrir. Jean-Pierre, t'écoute, Moumoun. Il dort sous le lit? Non, il dort sur le radiateur. Oh, ouais, son radiateur, de temps en temps, vient nous voir dans le lit. Oh, là, je suis une... c'est cool. Non, mais de manière, elle est gentille. C'est pas que le chat fait caca autour du lit de Gérard, c'est qu'il dort dans le bac, en fait, Gérard. Ouais, bah tais-toi. Il dort sur le lit. Donc voilà. Donc, Sandy, Il peut te chier dans le lit, puis toi, tu te remets sur la crotte de ton chat. Mais non. Non, non, mais je vous aime tous. Je t'aime, Sandy, très fort à la folie. Et pas que t'as la chaude pisse en ce moment, hein. Non, j'ai rien du tout. Ah bon. Bisous, mon amour, et à tout de suite. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Bisous, chérie. Bisous. Ah, tu peux pas lui faire une petite dédicace, toi On va lui dédier plein de choses, y'a pas de problème. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on lui dédie Je sais pas, est-ce que t'as pas un petit truc à lui dédier? Je sais pas, un instrument de Michael Jackson en karaoké. Michael Jackson, Attention, en karaoké, version karaoké. Hein. Non, essaye de lui trouver une petite dédicace là pour demain. Non, mais pour Evan. Chez Evan, tu peux des dédicaces? Evan, tu peux pas dédier un morceau pour sa grosse fois, Sandy? Attends, qu'est-ce que j'ai? J'ai Brandy Monica par exemple? Ouais, Brandy, ça branle de Monica. Moby! Tiens, passe-lui Moby! Moby! Allez, fais un écart ce soir! Bon, allez, je te le passe. C'est vrai? Y'a pas de soucis. Passe-lui maintenant alors, dans ce cas-là, c'est Attends, attends. Loïc, il passe, prépare Moby. Tiens, on va passer Moby. Ah ouais, tiens, ça va être cool, tiens. Sandy, tu laisses Moby, on te dédicace rien que pour toi, ma chérie. Voilà. Ouais, Evan, je compte sur toi. Attends, tu crois quoi? Allez, bonne nuit. J'espère. À demain 21h, Evan t'ouvre l'émission, t'oublie pas, Moby, hein. Y'a pas de soucis, non, mais on est en train de le caler là. Ok, ça roule, bonne bourre et amusez-vous bien demain 21h. À demain 21h, allez-y, c'est parti.